إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer encore une fois pour quelques minutes avant la salat inshallah à expliquer le livre de Abu Uthman al-Sabuni, I'tiqad al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Donc avant de commencer, par contre, il y a un point que je voulais expliquer à propos de, du verset que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le verset 7 dans surat Al-Imran, wa huwa alladhi هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. J'avais mentionné que يعني il y a les versets qui ont des sens clairs qui ne peuvent porter que à une seule explication et compréhension. Ça, il y a d'autres ayats qui sont mutashabihat, qui peuvent être interprétés de différentes façons. La manière de comprendre ces versets qui sont mutashabihat, c'est quand on dit par exemple que Ar-Rasikhuna fil 'ilm, ils sont capables de les comprendre, c'est dans le sens que eux, les ulama, sont capables de prendre ces mutashabihat, ces versets qui sont mutashabihat, et ils les ramènent aux muhkamat pour les comprendre, pour les expliquer. C'est-à-dire, quand ils expliquent certains versets qui sont pas clairs et qui peuvent porter à plusieurs interprétations, eux, les ulama, ils savent comment prendre ces versets-là et les ramener, par exemple, à d'autres textes du Coran et de la Sunna qui sont capables de clarifier la signification de ces versets-là qui peuvent porter à plusieurs interprétations. D'accord? Tandis que ceux qui ont une maladie dans le cœur, eh ben, eux, ils ne les retournent pas aux muhkamat, ils les interprètent selon leur propre désir et selon leur propre explication personnelle qui sort parfois en dehors des limites du Coran et de la Sunna. Donc ça, c'était juste un point que je voulais mentionner à ce sujet-là. Il y a ça, puis on continue maintenant avec les paroles de l'imam Abu Uthman. Il mentionne par la suite un hadith. Il dit, il mentionne une longue isnad, et puis il dit, je ne sais pas où est-ce que, ok, وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر فلا يرى من القوم إلا باكيا قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى يؤمنوا ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم يساكنهم في الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى سماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه ومن ذا الذي يدعوني فأجيبه ومن ذا الذي يستغفرني فأستغفر له أو فأغفر له حتى ينفجر الصبح. Donc ça c'est une autre narration de ce hadith du fait que Allah subhanahu wa ta'ala descend à la fin de la nuit ou dans le dernier tiers de la nuit et qu'il demande aux musulmans, aux serviteurs de l'invoquer et de lui demander pardon et qu'il va pardonner à celui qui fait ça. Ensuite il dit « وقال الشيخ الإسلام لقد قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول يرحمك الله أثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرة ولعنهم لعنا كثيرة. Donc le Cheikh Abu Osman il dit, lorsque on a compris que cette narration au sujet de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala a été rapportée de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les ulama l'ont accepté, donc ça veut dire que c'est obligatoire pour nous de l'affirmer, d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala il descend au dernier tiers de la nuit, chaque nuit, et il demande à ses serviteurs qui va m'invoquer, qui va me demander pardon pour que je l'exauce, pour que je lui donne ce qu'il me demande. Donc on affirme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé et on ne croit pas qu'il y a une ressemblance dans la descente d'Allah entre la descente d'Allah et la descente de sa créature. Et on n'a pas non plus affirmé une ressemblance ou affirmé ou essayé de comprendre et de chercher la description de comment Allah subhanahu wa ta'ala descend. On n'a pas le droit de chercher ces choses-là ou d'essayer d'imaginer dans notre esprit ou de demander cette question-là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas de toute façon arriver à le comprendre et à le connaître. Ok? Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, et ils ont su également, les ulama, quand ils ont reçu ce hadith, ils ont été convaincus et ils ont été certains qu'il faut affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a aucune ressemblance entre les attributs de la création et les attributs de la créature. De la même façon que Allah en lui-même, il ne ressemble pas à sa création, et bien la même chose dans ses attributs, elle ne ressemble pas du tout à sa création. Donc, le Cheikh il dit que Allah soit purifié de ce que lui attribue les mushabbiha, ceux qui veulent faire ressembler Allah à sa création, et les mu'attila. Les mu'attila, c'est ceux qui veulent nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est les deux extrêmes parmi les gens de bid'ah au sujet des attributs d'Allah. Al-mushabbiha, qui font des ressemblances entre Allah et sa création, et al-mu'attila, c'est ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par crainte de faire le tashbih, par crainte de faire une ressemblance entre Allah et sa création. Donc le Cheikh il dit que Allah soit purifié de ces deux groupes-là. Et les ulama, ils ont dit que les mushabbiha, ils adorent une idole. C'est comme s'ils adoraient une idole, parce qu'ils se sont inventés une idole, ils ont fait ressembler Allah à sa création. Tandis que les mu'attila, eux, ils ont adoré le néant. C'est-à-dire, ils ont adoré rien, rien du tout. Al-mushabbiha, abadu salaman, wal-mu'attila, abadu adaman. Ça, c'est une citation qu'on entend souvent des ulama. Et donc, ils veulent faire ressembler Allah au néant, ou à rien. Et donc, ça, c'est une autre forme de d'égarement aussi. Après, le chef dit, « وَقَرَأْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَبِي حَفْسِنَ الْبُخَارِي وَكَانَ شَيْخُ بُخَارَى فِي عَصْرِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ وَأَبُو حَفْسِ كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا سمعت عبد الله ابن عثمان وهو عدان شيخ مرو يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا أما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيفية مجيئه فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب قلت فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه وتعالى يجيء فهو كافر مكذب فوصيفة وابن عاسيون ما شاء الله لشيخ ذكي لالو لمان أبو عبد الله ابن حفص البخاري Ça, c'est pas l'imam al-Bukhari, mais c'est une autre personne qui vient de la ville de Bukhara. Et lui, il était un des chouyoukh de Bukhara à son époque, et c'était, selon les paroles du cheikh, le savant de Bukhara de son époque, sans aucun doute. Et Abu Hafs, il dit qu'il était parmi les grands ulama, parmi les compagnons de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Il dit qu'il a entendu, comme Abu Abdullah, il dit qu'il a entendu Abdullah ibn Osman, qui était un des chouyoukhs de la ville de Marwin, qu'il a entendu Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, qui disait que Hamad ibn Abi Hanifa a dit, nous leur avons dit à ceux-là, c'est-à-dire ceux qui doutent ou qui ne veulent pas affirmer les attributs d'Allah, nous leur avons dit la parole d'Allah. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا On leur a mentionné le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il vient au jugement dernier, ainsi que les anges, et que les anges se mettent en rangée, hein, comme en rang. Alors ils ont dit, en ce qui concerne les anges, ils viennent et ils se mettent en rang. Mais en ce qui concerne la venue du Rabb, c'est-à-dire la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas non plus le comment de sa venue. Alors, il leur a dit, Hamad ibn Abi Hanifa, il leur a dit, on ne vous a pas chargé de connaître le comment de sa venue, mais on vous demande seulement de croire en sa venue. Qu'est-ce que vous pensez de la personne qui va dire qu'il ne croit pas ou qu'il rejette que les anges vont venir et qu'ils vont se mettre en rang? Qu'est-ce que vous dites, selon vous, celui-là, celui qui dit non, les anges ne viennent pas se mettre en rang, qu'est-ce que vous dites de lui? Il dit, on dit que c'est un kafir et une personne qui traite de mensonge la vérité. Alors il a dit, de la même façon, celui qui rejette que Allah viendra, lui aussi est un kafir et un mukadib, c'est-à-dire quelqu'un qui traite la vérité de mensonge. De la même façon que vous croyez que les anges vont venir et qu'ils vont se mettre en rang, vous devez croire que Allah subhanahu wa ta'ala va venir au jugement dernier, puisqu'il l'a affirmé dans ce verset-là. Donc ça c'est la voix des salafs, dans l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Le cheikh il termine ce chapitre au sujet de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant « وقال أبو عبد الله ابن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي إن لا نؤمن برب ينزل على مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. Donc, encore une fois, l'imam Abu Abdullah ibn Abi Hafsin al-Bukhari, il a encore dit dans ce livre-là, ou dans son livre qu'il a écrit, que Ibrahim ibn al-Ash'ath a dit, j'ai entendu Al-Fudayl ibn Iyad, un des grands ulama parmi les salafs, qui a, il dit, j'ai entendu Al-Fudayl ibn Iyad qui disait, si le Jahmi, celui qui nie les attributs et les noms d'Allah, si il te dit, je ne crois pas à un Seigneur ou à un Dieu qui descend de là où il est, dis-lui toi, moi je crois à un Dieu ou à un Rab, à Allah subhanahu wa ta'ala, je crois à un Dieu qui fait ce qu'il veut. C'est ça comment tu lui réponds. Dis, si lui dit, moi je ne crois pas à un Dieu qui descend de là où il est, si lui dit, moi je crois à un Dieu qui fait ce qu'il veut. Et lui, il a dit qu'il descendait au dernier des cieux, ou au plus bas des cieux, au dernier tiers de la nuit. Et donc, nous, on l'affirme tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas menteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas de mensonges à propos de son Seigneur, et non seulement ça, mais il ne parle pas selon ses désirs, il ne fait que dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il est fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Donc, s'il s'est décrit quelque chose, il a dit qu'il faisait quelque chose, alors nous n'avons qu'à l'affirmer. Hein? Nous devons l'affirmer tel qu'il se l'est attribué à lui-même. Ensuite, le cheikh dit Mawqif al-Salaf min hadhihi al-Akhbar. Le point de vue ou la position des Salaf au sujet de ces narrations qu'on a mentionnées. شيخ الزراء ويزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث فغضب وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به ويلك ومن يدري كيف هذا ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تتبعوا فيه فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وإن لم تفعلوا هلكتم. Il dit que Yazid ibn Harun a dit lorsqu'il était assis dans son dars, yani, il était assis ensemble dans le majlis il a mentionné le hadith de Ismaïl ibn Abi Khalid, selon Qais ibn Abi Hazim, selon Jarir ibn Abdullah, au sujet de la vue, c'est-à-dire au sujet du fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Alors il a mentionné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que vous allez voir votre Seigneur comme vous regardez la lune lors de la nuit où il y a une pleine lune. Et ça c'est un hadith qui est rapporté de différentes façons. Hein, et qui est authentique. Il y a des versions de ce hadith qui sont rapportées par Al-Bukhari et par l'imam Muslim aussi, au sujet du fait qu'on va regarder et on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Et même il y a un verset dans le Coran qui dit « وَجُوهُ يَوْمَ إِذٍ نَاظِرَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَ » C'est-à-dire que les croyants au jugement dernier, ils vont regarder leur Seigneur. Donc ça c'est quelque chose qui est affirmé et établi, et ça fait partie des principes de la foi des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a et des Salaf Salih. Ils affirment qu'ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a quelqu'un qui était dans l'assemblée et qui a dit, Ya Abu Khalid, qu'est-ce que ça signifie ce hadith? Alors, Abu Khalid, il s'est fâché et il a commencé à lui répondre et à lui dire, tu me fais penser, ou tu me fais beaucoup penser à Sabir. Hein, Sabir ibn Asal. On va mentionner l'histoire de Sabir ibn Asal par la suite. Qui c'était Sabir ibn Asal? Il dit, tu me fais penser à Sabir. Et tu as besoin du même traitement que celui-là a reçu. Alors, il a dit, malheur à toi. Comment on pourrait savoir comment, hein, le comment de, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comment Allah est, et des choses de ce genre, hein, de t'expliquer ce hadith. Il a dit, ce n'est pas permis d'essayer de chercher à comprendre ces choses-là et de dépasser la parole qui est venue dans ce hadith. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est venu dans le hadith? C'est qu'on va voir Allah et qu'on va regarder Allah subhanahu wa ta'ala comme on regarde la lune, le jour de la pleine lune. Mais en ce qui concerne les détails, le comment et la description, on ne peut pas rentrer dans ces détails-là. Ce n'est pas permis. On doit s'arrêter là où le hadith nous a expliqué ces choses-là et on s'arrête là. Donc, on ne peut pas parler de nous-mêmes à propos de ces choses-là. Et celui qui essaie de parler de ces choses-là à partir de lui-même, de ses propres opinions, eh bien, il s'est, en fait, il s'est ridiculisé et il a comme rabaissé sa religion, en fait, en faisant ça. Il a diminué ou perdu sa religion en faisant ça. Et si vous entendez un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors suivez-le et n'innovez pas, c'est-à-dire ne venez pas avec des innovations et des nouvelles paroles à propos de ces hadiths-là. Suivez-les et n'essayez pas de faire des discussions avec les gens pour débattre. Si vous restez dans l'acceptation du hadith et que vous le suivez, vous allez être sauvé. Mais si vous essayez de rentrer dans les débats et dans les discussions et décrire les choses que vous ne pouvez pas décrire et commencer à rentrer dans les explications des choses qui n'ont pas été expliquées, eh bien vous allez vous perdre, vous allez périr. Et le cheikh, par la suite, il explique l'histoire de Sabir ibn Asal. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il dit, وقصة صبير الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبير وأحوجك إلى مثل ما فعل به هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيرا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروة فقال هي الرياح ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن الحاملات وقرا قال هي السحاب ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن المقسمات أمرا قال الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن الجاريات يسرا قال هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال ثم أمر به فضرب مئة صوت ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى ثم حمله إلى قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى أتى أبو موسى الأشعري فحلف بالإيمان بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق خلف بينه وبين مجالسة الناس وروى حماد بن يزيد عن قتن ابن كعب سمعت رجلا من بني عجلة يقال له فلان خلت ابن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة وكأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. روى حماد بن يزيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ قال وأنا عبد الله عمر ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي. Donc cette histoire de Sabir ibn Asal, je vais vous résumer l'histoire. Sabir, c'était un homme en fait qui, parce que dans l'histoire on a lu que il a dit, Yazid ibn Harun, il a dit à celui qui lui a posé la question au sujet de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier quand on va le voir, il a dit tu as besoin du traitement de, tu ressembles à Sabir et tu as besoin du même traitement qu'il a reçu, mais il n'a pas expliqué. Là le chef il explique, il dit que ça a été rapporté selon Saïd, Yahya ibn Saïd, selon Saïd ibn al-Musayyib, que Sabir al-Tamimi est venu voir le Omar ibn al-Khattab pour lui demander des questions sur les, points, certains points dans le Coran. Il a demandé par exemple à propos de Al-Zariyat et Zarwa, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Omar lui a dit que c'est le vent. Il a dit si j'avais pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça, je l'aurais pas dit. Ensuite, il lui a demandé à propos de Al-Hamilat et Wiqra, dans Surat Al-Zariyat encore. Et il a dit, ce sont les nuages. Et si j'avais pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça, je l'aurais pas dit. Ensuite, il lui a dit, c'est quoi Al-Muqassimat et Amra? Il a dit, ce sont les anges. Il a dit, si j'avais pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça, je l'aurais pas dit. Alors il a dit, alors informe-moi, qu'est-ce que c'est Al-Jariyat et Yusra? Il a dit, ce sont les bateaux sur l'eau. Et si j'avais pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça, je l'aurais pas dit. Thumma, ensuite, il lui a commandé, ou il lui a ordonné de le frapper. Il a fait frapper 100 coups de fouet. Puis ensuite, il l'a mis dans une maison, dans, comme une sorte de prison, pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'il soit guéri. Puis il l'a appelé encore une fois. Puis il l'a encore fait frapper 100 coups de fouet encore. Alors, ils l'ont amené comme dans un genre de civière. Et ensuite, il a écrit une lettre à Abu Musa al-Ash'ari pour lui dire qu'il est interdit à quiconque de s'asseoir ou de le laisser s'asseoir dans un majlis, dans un dars. Hein, qu'il n'avait plus le droit de s'asseoir dans un dars. Et là, après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Abu Musa al-Ash'ari, il lui a écrit une lettre à Omar pour lui dire, en jurant, que qu'est-ce qu'il avait trouvé en lui-même, pour la fitna qu'il avait de poser toujours des questions, eh ben, c'était parti. Il n'avait plus cette fitna. Et par la suite, il lui a donné la permission de pouvoir s'asseoir avec les gens. Et il y a une autre narration, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il y a une autre narration qui dit qu'ils ont vu Sabir ibn Asal dans la ville de Basra, il était comme un âne. Il venait vers les halaqat, où il y avait des durus, il s'assoyait, et quand les gens le voyaient, et si des gens ne le connaissaient pas, il s'assoyait avec eux, et les gens de l'autre halaqa, ils disaient à l'autre groupe qui étudiait, ça c'est celui que Omar ibn Khattab a interdit hein, de s'asseoir dans les halaqat. Donc, il le chassait. Et ensuite, il y a une autre narration de cette histoire, selon Hamad ibn Zayd, selon Yazid ibn Hazim, selon Sulayman ibn Yassar, qu'un homme de Bani Tamim, c'est-à-dire Sabir, il est venu à Médine. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à poser plein de questions aux gens, au sujet des versets du Coran qui sont pas clairs, qui peuvent porter à plusieurs interprétations. Alors, j'ai presque fini. Alors, il commence à poser des questions à tout le monde à propos des versets dans le Coran. Alors, Omar ibn al-Khattab a entendu ça. Alors, il a envoyé quelqu'un pour lui dire de venir le voir. Et il lui a préparé des, il dit dans cette narration qu'il lui a préparé des palmes, comme des feuilles de palmier. Et une fois qu'il est rentré, il a dit, qui es-tu? Il dit, je suis Abdullah, le serviteur d'Allah, Sabir. Et il dit, moi, je suis le serviteur d'Allah, Omar. Et là, il s'est penché vers lui et il a commencé à le frapper avec ses feuilles de palmier. Et il a continué à le frapper jusqu'à ce qu'il soit blessé. Et le sang commençait à couler sur son visage. Alors, il a dit, ça suffit, Omar. Oh, ça suffit, ya Omar. Ce que j'avais dans ma tête, le djinn que j'avais dans ma tête, il est parti. Ça y est. Alors là, ça c'est l'histoire qu'il a mentionné. Et puis, l'imam al-Ajuri, dans le livre al-Sharia, il a expliqué cette histoire-là. Il a dit, فَإِنْ قَلَ قَائِلٌ فَمَنْ سَأَلَ عَنْ تَفْسِيرِ وَالذَّارِيَةِ ذَرْوَى وَالْحَامِلَاتِ وِقْرَى استحق الضرب والتنكيل به والهجرة قيل له لم يكن ضرب عمر له بسبب هذه المسألة ولكن لما بلغ عمر رضي الله عنه ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به فطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر رضي الله عنه ربه أن يمكنه منه حتى ينكل به وحتى يحذر غيره أو يحذر غيره لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره فأمكنه الله عز وجل منه. Donc ça c'est l'explication. Le cheikh dit, si quelqu'un disait par exemple, est-ce que parce que la personne a demandé les questions au sujet des versets Az-Zariyat, Az-Zariyat Zarwa, Falhamilat Wiqra, il mérite d'être frappé et d'être emprisonné et qu'on s'écarte de lui, il a dit, Omar ne l'a pas frappé pour ça. Omar ne l'a pas frappé parce qu'il a posé des questions au sujet de la religion. Mais il l'a frappé parce qu'il posait des questions sur des choses qui sont des choses ambiguës dans le Coran. Et il a vu qu'il avait une fitna et qu'il s'était intéressé uniquement à ça. Et qu'il avait délaissé des sciences du Coran qui sont beaucoup plus bénéfiques pour lui que ça. Comme de connaître le halal et le haram et les règles de la charia. Donc quand il a vu que cette personne-là s'était préoccupée de ces choses-là, qui ne sont pas les choses fondamentales, alors il l'a puni de cette façon et il a considéré que c'était mieux pour Sabir qu'il s'intéresse à apprendre ce qui est obligatoire des sciences du halal et du haram et des sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il a su que cette personne-là arrivait, il a demandé ou il a souhaité que Allah subhanahu wa ta'ala lui permette de mettre la main dessus pour pouvoir s'en occuper, pour pas que ça devienne une fitna pour d'autres personnes également. C'est en même temps pour donner une leçon aux autres, pour pas qu'ils commencent à suivre cette mauvaise exemple-là. Et donc, ça c'est l'exemple de qu'est-ce qui est arrivé à Sabir ibn Asal et comment Omar ibn al-Khattab a traité son cas et sa maladie. Et à notre époque actuelle, il y a beaucoup de Sabir ibn Asal dans la communauté et dans le monde musulman, malheureusement, ils tournent en rond et ils commencent à poser à tout le monde des questions qui font la fitna pour les autres musulmans. Et donc ils mériteraient, comme l'imam tout à l'heure a dit, le traitement que Sabir ibn Asal a reçu de la part de Omar ibn al-Khattab. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera ça après l'Asr, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك